semble que Jésus est vivant, tel que sa parole le révèle. Christ est Dieu son vivant, vivant, vivant, vivant, vivant, Christ Dieu vivant dans son amour. Vivant, vivant, vivant, vivant, je sens Dieu Christ dans son amour. Dans son amour, vivant, vivant, vivant, vivant, je sens Dieu Christ dans son amour. Je sais que Jésus est vivant, rendant vivant sa promesse du temps. Jésus vivant sa voix. Vivant, vivant, vivant, vivant, Christ Dieu vivant dans son amour. Vivant, vivant, vivant, vivant, je sens Dieu Christ dans son amour. Vivant, vivant, vivant, vivant, Christ Dieu vivant dans son amour. Vivant, vivant, vivant, vivant, je sens Dieu Christ dans son amour.